sais pas quoi faire, complètement inutile sous terre. J'ai essayé la prière et ça a marché. Il m'a parlé. Tout a commencé par un cri d'une origine indéfinie, se propageant à l'infini. J'arrête pas de chercher en l'air. Il est arrivé par derrière et il m'a souri. Il m'a souri dans ses harmonies. Il m'a dit: le soleil qui fond dans sa forge, les cordes qui sont dans ta gorge, chauffer le monde entier. Il faut chanter. Tu as le soleil dans la gorge. Tu as le soleil dans la gorge. Le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil, le soleil dans la gorge. Je voyais déjà plus clair. Dans mon cœur, il y avait moins de mystère. Je savais toujours pas quoi faire. Il s'est approché.